Donc voilà, obligé de parler avant que le micro ouvert démarre pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. J'en profite pour dire que ouais, moi j'aime bien quand le micro ouvert il démarre et que ben, vous qui écoutez là, ben, vous rentrez doucement dans l'univers, dans la pensée de quelqu'un et vous faites votre propre avis. Il n'y a pas une voix off, débile, qui vous dit comment penser, qu'est-ce qui... Enfin, bon, j'espère que vous comprenez l'idée. Donc c'est le convoi de l'eau, c'était du 18 au 27 août 2023. Je vous invite plutôt à écouter la première partie, comme ça je me répète pas non plus. Et donc le micro ouvert là, il est à Dolus-le-Sec. Et on va rencontrer le bivouac qui se fait à cet endroit, à la coopérative paysanne de Belêtre. Et l'idée, c'était de visiter la ferme. Le titre, c'était « Comment faire vivre cette travailleuse sur 65 hectares ?» Et puis, il y avait deux conférences débats. Quelles alternatives collectives au système agricole dominant ? Et on s'en fout, mais j'ai eu super mal à la tête, quoi. J'ai même rien vu de la coopérative. J'ai pris un petit peu de son au début, mais j'en pouvais plus. Il faisait très, très, très chaud, hein. Vous imaginez ceux qui étaient à vélo. Enfin, c'était balèze. Et alors, aussi préciser que je mets au moins 20 minutes à la fin d'ambiance, parce qu'il y avait beaucoup quand même de concerts surprises, il y avait beaucoup de fanfares. C'était quand même festif, hein, faut le savoir. Et ça, ça fait du bien et c'est gai et vous allez l'entendre. Enfin, moi, je trouvais ça dingue, quoi. Il y avait le concert, là, à la ferme au soir. J'entendais les gens qui étaient super emballés. Jusqu'à pas les petites heures, hein, le concert il s'est terminé à une heure raisonnable, mais le lendemain, zbing, tout le monde debout à 6 heures du mat, et hop, le convoi est reparti pour arriver à Tours à l'heure, quoi, à la ville de Tours, hein, à l'heure. C'est émouvant, c'est fort, c'est action, quoi. On s'y met tous, là. On donne de sa personne, de son corps, on transpire, quoi. C'est balèze. Et j'avais aussi envie de lire un petit passage. C'est une citation, en fait, d'Elridge Cleaver, qui dit « Moi, je suis persuadée que la plupart des choses qui se passent dans ce pays ne demandent pas à être analysées plus longtemps. » Idée très proche de celle exprimée en 1873 par Bakounine. Alors Bakounine, moi je connais pas plus que ça, sauf un petit peu, hein, mais j'ai jamais lu du Bakounine, quoi. On a développé au sein de l'international plus d'idées qu'il n'en faudrait pour sauver le monde, si les idées seules pouvaient le sauver. Et je défie qui que ce soit d'en inventer une nouvelle. Le temps n'est plus aux idées, il est aux faits et aux actes. On démarre avec la ferme, la coopérative, quoi, paysanne de Belêtre, avec la présentation de cet endroit. Mais avant, on écoute l'atelier paysan. L'autonomie, c'est pas être spécialiste de tout soi-même. Encore une fois, c'est de choisir ses dépendances. Et tu peux être dépendant, vaut mieux être dépendant avec l'artisan du coin avec qui tu as une relation sociale, plutôt que de la multinationale qui va t'imposer ses prix tout le temps et que tu n'auras jamais un être humain en face de toi, quoi. On en est à des générations quand sont à la quatrième génération de suite qui vont à l'aide alimentaire. Donc, les parents allaient à l'aide alimentaire, les grands-parents allaient à l'aide. Donc on a du mal à s'imaginer cette réalité-là. Et donc nous, depuis le monde agricole dont on est, depuis qu'on a regardé ça, on s'en était pas très intéressé, assez bizarrement au départ, quand on a regardé la réalité de l'injustice du côté de l'alimentation, alors on ne peut plus avoir un regard moral sur la chose. On regarde, ouh, le méchant consommateur qui remplit pas bien son caddie. Ils ne savent pas s'alimenter, c'est voilà, pauvre. Voilà, on va les éduquer. Mais en fait, t'éduques pas une mère qui a que 30 balles à filer à ses gamins par semaine. Tu l'éduques pas. Sinon, tu lui fais une leçon de morale qui est violente. Ouais, ouais. Si tu lui dis quoi, tu vas pas à la Biocoop, t'as qu'à traverser la rue et aller à la Biocoop. Oui, il y a voilà. Plus de pain à manger, bah, manger des brioches, des choses comme ça. Exactement. En fait, ça, c'est de la violence. Et donc, si on veut pas nous-mêmes exercer une violence morale, alors il nous faut penser les choses politiquement, pas au sens parti politique, mais au sens collectivement, qu'est-ce qu'on peut faire, socio-économiquement. Et du coup, La visée, c'est la démocratie dans l'alimentation. Voilà. Comment on peut aller vers des institutions ? Alors, on a plusieurs pistes. En gros, c'est l'idée de socialiser l'alimentation, qu'elle soit plus dans les mains du marché, mais qu'elle soit dans des logiques de socialisation. Et c'est pas l'aide sociale, hein. Non, c'est mettre en commun notre alimentation sur un imaginaire de sécurité sociale, par exemple. Voilà. Et ça, c'est une des pistes. Nous, on fait partie d'un collectif national de 11 organisations nationales qui travaillons à l'imaginaire d'une sécurité sociale de l'alimentation, où on pourrait reverser une sorte un sorte de droit à l'alimentation pour aller acheter de l'alimentation dans des endroits qu'on aurait discuté collectivement qu'on voudrait défendre. Et donc on passerait d'un droit à une alimentation à droit à une alimentation choisie. Et là, on a quelque chose d'assez désirable, où on arriverait à mettre ensemble, ce qu'on n'a jamais réussi à mettre ensemble, c'est-à-dire la revendication de la justice sociale, les gilets jaunes qui sont dans la rue parce qu'ils n'ont pas assez pour mettre dans leur assiette ou pour mettre dans leur essence pour aller bosser, et donc à qui ça sert à rien de faire des leçons de morale parce qu'ils ne mangent pas bien. Et puis de l'autre côté, le monde agricole qui a besoin d'une réhausse des prix pour pouvoir généraliser l'agroécologie. Et bien là, vous voyez, deux trucs antagoniques. Allez. Alors que là, l'idée, c'est de les mettre ensemble, et là, avec les classes populaires, on va pouvoir généraliser l'agroécologie. Mais en fait, les pistes qu'il faudra explorer dans le futur, c'est remettre du maraîchage à deux doigts des villes, très proche, en ceinture, etc. Et là, il va falloir que l'ensemble du monde, il va falloir aussi qu'on s'adresse aux salariés de l'agro-industrie pour leur dire « on a besoin de vous pour bâtir le modèle de demain ». Parce que personne, ça fait triper personne d'aller bosser 12 heures de suite dans un abattoir. C'est là où je pourrais peut-être comprendre les robots si on continue à avoir une alimentation carnée. Du coup, il y a plein de choses à faire qu'on n'a pas fait encore dans les luttes paysannes, des alliances à trouver avec des nouveaux types de personnes. Donc typiquement les salariés de l'agro-industrie, typiquement les gens des quartiers, pour qui pour l'instant on n'existe juste pas, quoi. Voilà. Et il y a l'idée, et je terminerai peut-être là-dessus, de ne pas participer nous-mêmes à la guerre civile qui s'annonce dans les campagnes. Parce qu'en ce moment, c'est en train de se durcir entre d'un côté la montée, on va dire, de la revendication écologique totalement légitime face aux années de sécheresse qu'on est en train de se prendre, aux incendies, à l'urgence de sauver la biodiversité qui est en train de disparaître. On a bientôt plus d'oiseaux, etc. Donc là, on a une génération qui arrive et qui dit « mais en fait, plus un seul hectare de plus bétonisé et on ne vous laissera pas faire ». Donc c'est ça qui est en train de monter, d'une part. Et de l'autre côté, un monde agricole qui est de plus en plus pris à la gorge, qui se fait balancer de l'autre côté. Mais son réflexe, c'est de réagir. En disant agribashing, réagir en sortant les fusils. Et si on contribue à se jeter des jugements moraux comme ça en face, toi le sale écolo-bobo ou toi le sale pollueur pesticide, à la fin ça va mal finir, vraiment. C'est en train de mal tourner déjà, ça va mal finir. Alors que, je le répète, on est dans le même bateau qui est en train de couler. Et donc, pour sortir de ça, il ne faut pas qu'on s'affronte moralement entre vertueux et pas vertueux, vous voyez, ce genre de truc, mais qu'on reconnaisse la grande photo tous ensemble et que tous ensemble, on va se bâtir quelque chose qui ressemble à l'autonomie paysanne et alimentaire. Le totem qu'on a écrit dans Reprendre la terre aux machines, on a repris le slogan de la Confédération paysanne d'il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, déjà, on disait 1 million de paysans. Et 1 million de paysans, c'était ce qu'il y avait il y a 40 ans. Donc c'est pas inaccessible, il y a 40 ans, c'était hier, quoi. On parle pas des années 30, on parle des années 80, quoi. Et dans les années 80, on sait à quoi ça ressemble, et 1 million de paysans, c'est juste renverser la vapeur, là. Et plutôt qu'être à moins 10 000 chaque année, on soit à plus 10 000. Ça, c'est accessible. Donc le premier million, il est accessible. Après, si on arrive à, en effet, faire en sorte que ça soit pas que les plus riches qui puissent acheter la nourriture de l'agroécologie, alors là, ça va faire un truc, un appel d'air incroyable. Parce que les gens, ils vont réclamer que cette nourriture, elle soit là. Parce que toutes les études montrent que toutes les classes sociales, elles veulent manger la même chose. Qu'il n'y a personne qui se lève le matin avec le plaisir de filer des pesticides à ses mômes, comme il n'y a aucun agriculteur qui se lève le matin avec le plaisir de foutre des pesticides dans ses champs et de mettre une combinaison avec un masque à gaz. En fait, on le fait tous sous contrainte. Et donc, dès qu'on a réussi à débloquer la violence du marché, alors ça sera facile de s'installer, ça sera facile d'avoir de la terre pour même faire son potager ou celle de son village. Et là, on arrivera à plusieurs millions. Parce que quand je dis plusieurs millions, c'est pas plusieurs millions de métiers d'agriculteurs. C'est plusieurs millions de personnes qui mettent les mains dans la terre pour la subsistance en général. Et donc, passer d'une société avec des paysans à une société paysanne. Thank you. Alors on va démarrer la visite si vous voulez bien. Dites-moi si je parle trop fort ou pas assez fort. Tout le monde m'entend, c'est bon ? Bon ben je commence en vous disant bienvenue à la ferme de Belêtre, on est super content de vous accueillir. Merci beaucoup. On a une grosse équipe bénévole, là, plus d'une centaine de personnes qui nous ont aidés à préparer tout ça, merci à eux. Donc on va vous faire une visite de ferme à quatre voix, c'est une ferme collective ici, donc la parole va tourner, c'est normal. Moi je commence, et donc moi je me présente, je suis Mathieu, je suis un des associés, je suis paysan ici, depuis 2015, depuis le début en fait, je suis un des membres fondateurs de la coopérative paysanne de Belêtre. C'est la structure qu'on a créée en 2015 pour s'installer et reprendre la ferme ici. Une petite ferme en 2015, une ferme de 19 hectares. On a démarré à 5 associés. Et la ferme a bien évolué depuis. La ferme aujourd'hui fait 65 hectares. On est 7 travailleurs, 7 équivalents temps plein dans l'équipe. On est même 10 en ce moment parce que c'est la saison et il y a beaucoup de boulot. Mais sur une année, ça représente à peu près 7 équivalents temps plein. On a démarré ici à partir d'un projet politique fort qu'on a essayé d'incarner en se disant on a des idées, on a un discours et on va essayer de mettre en cohérence nos actes et notre discours, quoi. Et donc on est parti du constat des difficultés d'accès à la terre et difficultés d'installation. Et on a essayé de comprendre pourquoi c'était aussi compliqué. On arrivait ici, on n'avait pas beaucoup d'argent en poche. Et on est certain avoir travaillé dans le milieu du développement de l'agriculture bio et paysanne avant de s'installer ici. Et quand des fermes dans ce réseau-là, ou dans les autres, mais un peu partout en fait c'est pareil, quand des fermes sont à transmettre, elles sont à transmettre ici dans le coin à 300 000, 400 000, 500 000, 600 000 euros. Les fermes sont devenues énormes ici, avec beaucoup de terres, beaucoup de capitaux, beaucoup d'endettement. Et nous, on s'est dit, bah, si c'est ça, s'installer en agriculture, c'est-à-dire s'endetter pour avoir le droit de devenir paysan, ça ne nous va pas vraiment, quoi. Il faudrait qu'on trouve une autre façon de pouvoir accéder au métier et faciliter des installations. Parce qu'on pense qu'on a besoin d'être beaucoup plus nombreux à travailler la terre. On a besoin d'être 1 million de paysans et de paysannes pour changer le modèle agricole. Et pour nous, la solution, ce n'est pas l'agriculture robotique, numérique et génétique. Mais c'est l'agriculture biologique, paysanne et collective. Et du coup, bah, il faut remplacer la chimie et les machines par des hommes et des femmes qui sont dans les champs. Donc il faut que les gens puissent pouvoir accéder au métier facilement. Sinon, on en perd plein sur le bord de la route. Des gens qui n'ont pas d'argent ou qui ne vont pas pouvoir avoir accès à l'emprunt bancaire, quoi. Et on en connaît beaucoup comme ça qui n'ont pas pu s'installer. Donc on s'est dit, mais comment est-ce qu'on pourrait transmettre une entreprise sans en transmettre le capital ? Le capital reste propriété de la société. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à notre statut coopératif, qui fait que les réserves de l'entreprise et l'outil de travail sont impartageables, appartiennent à la société. Et en même temps, on avait un point fort aussi de volonté de fonctionner de manière autogestionnaire. Et donc c'est aussi ce que permet la coopérative, avec le principe d'une personne, une voix, un fonctionnement horizontal, quel que soit le nombre de parts apportées par les associés. En l'occurrence, chez nous, tout le monde a le même nombre de parts, et tout le monde a mis 3000 euros dans la coopérative. Et quand on part, il y a déjà eu des départs, chez nous il y a des arrivées, et bien, quand on part, on repart avec les 3000 euros qu'on a mis au départ. Il n'y a pas de plus-value de fait sur les parts sociales. Contrairement à des statuts agricoles classiques, en GAEC, en EARL, ou même les statuts individuels, où finalement il y a beaucoup de paysans qui passent leur vie à vivre pauvre pour espérer mourir riche. C'est-à-dire qu'ils se rémunèrent très peu de leur travail et espèrent se rémunérer sur leur capital à la fin de leur carrière. Ben, nous ici, on essaye de se rémunérer sur notre travail et de faire une croix sur la rémunération du capital. Oui, on est une SCOP. Quand je dis une coopérative paysanne, on est à statut de SCOP. Ouais. Je ne rentre pas plus dans les détails sur le statut de SCOP et le fonctionnement coopératif. Il y aura une table ronde ici même à 20h. Donc si vous voulez en savoir plus, on est plusieurs à intervenir dans cette table ronde. Je vous invite à venir ici à 20h. Je continue un peu la présentation de la ferme. Donc vous avez prévu compris que le capital d'exploitation appartient à la SCOP. Et donc quand il y a des mouvements dans les associés, ben, l'argent n'est pas une question. Il y a plein d'autres choses à régler, hein, les questions humaines, les questions organisationnelles. Ça, on passe pas au travers, hein, mais en tout cas pas l'argent. Et pour ce qui est du capital foncier et des bâtiments, ils appartiennent en grande majorité à la foncière Terre de Liens. Et on espère bientôt en totalité à Terre de Liens. Donc en gros, ce qu'on règle d'un côté, enfin ce que Terre de Liens permet de régler d'un côté en disant on achète des terres, on achète des fermes et on garantit qu'elles ne seront plus jamais vendues, on met fin à la spéculation foncière, eh ben, on essaie de faire la même chose nous avec la SCOP sur l'outil de travail, quoi, sur le capital d'exploitation. Donc la ferme ici, je faisais 65 hectares, il y a à peu près un peu moins de 3 hectares de légumes. Ma collègue, juste après moi, vous parlera de notre atelier maraîchage et vous ferez un petit tour du jardin avec elle, mais le reste sera en autonomie si vous voulez visiter le jardin. Et puis le reste de terre, les restes des parcelles sont en grande culture. On a un atelier de paysans boulangers, donc c'est essentiellement la production de céréales, et ça c'est un autre collègue qui vous parlera de ça. Et enfin, la dernière collègue avec qui vous ferez la visite vous parlera de l'atelier de boulange, le pain au levain, et comment il est fait, et où est-ce qu'il est vendu, quoi. Nos ancrages politiques ici, j'en ai parlé, donc c'est l'autogestion, la dimension non capitaliste, l'ancrage territorial, et bien sûr l'agriculture biologique. Et toutes ces choses-là, pour nous, c'est en additionnant tout ça qu'on essaye d'incarner un projet d'agriculture paysanne, tel qu'il est porté à la Confédération paysanne syndicale dans lequel on est impliqué par ailleurs très fortement. Pour ce qui est du fonctionnement autogestionnaire, je peux en dire un mot. Ça s'incarne chez nous par la volonté d'essayer de prendre les décisions autant que possible au consentement et avec l'ensemble des personnes concernées. C'est-à-dire qu'ici, en ce moment, vu qu'on est en phase de transition, il y a eu des départs d'associés et des arrivées, il y a beaucoup de statuts différents. Il y a des associés, il y a des salariés, il y a des stagiaires. Et en fait, on met tout le monde autour de la table tous les mardis et on dresse l'ordre du jour ensemble et on traite tous les points tous ensemble. On se dit que c'est les gens concernés qui sont les mieux placés pour prendre les décisions. Et à partir du moment où les gens ont pris des décisions, on se dit aussi qu'ils sont mieux placés pour en assumer les conséquences et la responsabilité. Donc on essaye de partager ça avec tout le monde et ça marche plutôt bien. Ça fait pas mal de réunions, parce qu'il y a des réunions d'équipe et ensuite il y a des réunions par atelier. Mais on considère que nous, passer du temps en réunion, c'est comme un investissement. On investit de l'argent dans du matériel pour gagner de l'argent, gagner du temps. Et ben nous, on investit du temps en réunion pour gagner du temps et de la fluidité ensuite dans l'organisation du travail. Donc un atelier maraîchage, un atelier grande culture, un atelier meunerie boulange. Et puis on complète par deux petits ateliers, on fait un peu de formation, on accueille des gens qui veulent en savoir plus sur notre fonctionnement collectif et notre statut coopératif. Donc on donne des formations ici, mais aussi un peu partout en France quand on est appelé pour en donner. Et puis on fait un petit peu d'animation pédagogique, on accueille parfois des enfants et puis régulièrement des gens d'un ESAT, donc des gens en situation de handicap qui viennent tous les 15 jours à la ferme. C'est leur sortie et un petit bout du jardin qui leur est réservé. Voilà, je passe la parole à ma collègue Lucie Maraîchère. Et normalement, on se déplace, tu leur demandes. Ah ouais, c'est bien. Ah merde. C'est le voisin. Non, c'est Jean-Luc. On a prévu de faire une visite en déambulation un peu quand même. Donc le prochain point de discussion est à côté de la cabane que vous voyez là. Sauf que c'est au soleil, donc on a prévu de vous demander est-ce que vous préférez rester là et visiter le jardin ensuite en autonomie. Oui. Vous voulez quand même un peu avancer? Non. Vous préférez rester là? Ok. Je passe aussi Jean-Luc qui est là. On fait comme ça. Comment ça marche? Ça marche? Oui, alors. Ouais. Ah, j'ai juste... Est-ce qu'on peut s'asseoir à l'eau? Oui. Allez, on est. Tu peux aller chercher là-bas. Ceux qui veulent s'asseoir peuvent s'asseoir. Moi, je peux me mettre comme ça. Impressionnant comme le gâteau est bien couvert. Ah oui. Normalement, on voit les choses, mais là, d'abord, vous allez les entendre et puis après, vous pourrez aller voir. Ça marche? Oui. Oh là là, va falloir choisir. On entend. Ça marche comme ça? C'est bon pour vous? Oui. Alors, moi, c'est Lucie, je suis maraîchère ici depuis 2015, enfin depuis le début. Et donc, pour vous expliquer, on a repris une petite AMAP de 25 paniers et qui avait un maraîcher. Qui était en fin de parcours, un peu fatigué, et du coup on a repris à, à 2,5 l'activité maraîchage et on est monté progressivement à 83 paniers. Et du coup, nous, ce qu'on appelle panier, finalement, c'est une part de la récolte. C'est-à-dire que les gens n'achètent pas des légumes, mais achètent une part de la récolte. Et ça et s'engage sur 6 mois dans un premier temps, et puis après 6 mois renouvelables. Du coup, nous, on ne fait pas référence à des prix de marché, on fait référence à nos propres prix. C'est-à-dire qu'on a une AG avec les Amapiens au mois d'octobre, où on fait un budget en disant à peu près les charges qu'il y aura, dont le temps de travail, qu'on a à peu près dimensionné. Et donc, les Amapiens achètent financent l'activité, mais n'achètent pas du légume par rapport à un prix du marché qui n'est pas notre prix à nous, notre coût de production, quoi. On dit souvent que nos légumes n'ont pas de prix. Les gens achètent une part de la récolte. Ça, c'est bon. Et du coup, notre mission, c'est quand même de faire des légumes toute l'année. Donc, on a une planification assez organisée pour qu'ils aient à manger toute l'année. Et effectivement, ils vont suivre la production. À un moment, il y aura un peu plus et à un moment, il y aura un peu moins. Et ce qui fait qu'il y a jamais, on parle jamais d'un prix de panier. Ils payent un abonnement mensuel, en fait, et qu'on décide ensemble en AG. Il y a même 3 tarifs à cet abonnement avec un tarif avec des bas revenus, un tarif médian et un tarif solidaire qui compense au choix pour ceux qui choisissent le bas revenu. Pour que on reste accessible, que ça reste accessible. Et combien à peu près le tarif par mois? Ah oui, et combien le tarif? Ah, ça, c'est une bonne question. En fait, le tarif, il doit être autour de... Attends, c'est moi qui fais les tarifs en plus. 90 euros par mois, ça donne environ un panier à 25 euros. Mais il y en a pas mal qui l'achètent. Il y en a quelques-uns. Il y a 45 paniers pleins et il y a aussi... 35 paniers qui sont pris par des demi-paniers. Donc il y a des gens qui achètent 12 euros de légumes par mois. Enfin, mais on ne parle jamais de légumes de prix par mois, vous avez bien, enfin par semaine, vous avez bien compris. On parle toujours d'abonnement mensuel. Donc on fait ça toute l'année. On a un gros job de planification pour que ça coule. On s'arrache un peu les cheveux, mais au final, avec les 10 années d'expérience, on commence à avoir... le recul, chaque année, on peut remettre en cause ce qu'on planifie. Mais grosso modo, on est sur 14 jardins planifiés qui a une rotation sur 14 années. Et on sait qu'on a un jardin de poireaux, on a 2 jardins de choux, un jardin de courges. Et ils vont tourner, vous les verrez, ils vont se décaler. Ils se décalent chaque année d'un cran, quoi. On peut faire varier à l'intérieur des jardins les productions, mais on commence à avoir peaufiné la planification pour qu'il y ait des légumes tout le temps. On est sur planche permanente. Ah, faut que je parle plus près. Ah oui, c'est mieux. Non, c'est bien, c'est bien. On est sur planche permanente. On s'est équipé dès le début avec des outils de l'atelier paysan pour faire des planches. On a le cultibut et le vibre-planche qu'on utilise. Qu'on a construit. Donc l'atelier paysan, c'est une coopérative où les paysans peuvent accéder à la création de leurs outils sous forme de formation. Donc on apprend la soudure et on construit nos outils et on peut les faire améliorer au fur et à mesure du temps. Il y en a sûrement qui connaissent. Et on a aussi construit l'agrozouk dès le début, qui est la bête sauvage que vous voyez derrière là-bas, qui est sur batterie principalement pour l'instant, mais qui nous sert beaucoup à éviter de mettre un tracteur dans le champ. Donc on met cet outil-là qui nous sert à biner, tracer, passer le rouleau, désherber. Il nous sert à tout récolter et c'est plutôt pas mal. On l'a construit il y a quelques années et maintenant on le peaufine d'année en année et ça marche. J'y doutais au début, mais en fait, c'est bien. Et il marche pour l'instant à batterie. À un moment, il y avait des pédales, mais ça servait surtout à se déplacer. Mais ce n'était pas facile pour voir le travail. Et après, il reste encore un travail de pouvoir mettre des panneaux solaires au-dessus pour être autonome, pour charger les batteries. Bon, l'étape d'après. On fait quasi tous nos plants, sauf quelques plants d'aubergines et de tomates greffées. Mais sinon, on fait tous nos plants pour assurer toute la filière. Je peux vous dire. On arrose au maximum par goutte à goutte, mais on arrose aussi en aspersion de nuit parce qu'on a des programmateurs pour les faire tourner le soir ou le matin. L'eau vient d'un forage. Voilà. Ouais. Pour l'instant, on a de l'eau. Mais on sait qu'on est en cours de vraiment rentrer en lien avec les irrigants du coin pour se demander avec qui on partage la même nappe et avec qui on devra discuter quand il y aura des soucis. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais on a vraiment envie de pouvoir anticiper le moment où il faudra choisir. Aujourd'hui, au loin, y a un voisin irrigant de maïs, quand il arrose, l'écurie qui est au bout, elle n'a plus d'eau. Si à un moment, l'irrigant du maïs, quand il arrose, les maraîchers d'ici, ils n'ont plus d'eau, eh ben, il faudra quand même qu'on se questionne sur quelle est la priorité, quelle agriculture on veut arroser en priorité. On a vraiment envie de pouvoir faire cette démarche localement avec tous les irrigants de la commune et de pouvoir mettre ça à plat sans animosité, quoi, en amont. On a peaufiné une technique autour de la fertilité des sols avec pas mal d'engrais verts parce qu'on a la chance d'en produire aussi en grande surface. Vous m'entendez derrière ? On produit de la veste avoine en grande surface et on a beaucoup de et de la luzerne, donc on a pas mal de on a cette ressource et du coup on a une technique où dès que le jardin est vide, on sème de l'engrais vert. Et juste avant de la, enfin 5 semaines avant la prochaine culture, on le broie avec un broyeur derrière tracteur. Et après, on l'arrose, s'il ne pleut pas. Et après, on le bâche. Ce qui fait que vous allez voir, si vous baladez dans le jardin, certains endroits bâchés avec des bâches en silage, ça nous permet de... Même si c'est du plastique, ça nous permet de limiter, nous, le travail du sol et de favoriser la vie du sol qui va dégrader elle-même l'engrais vert. On va pouvoir après débâcher au bout de 5 semaines et de planter directement sans avoir à travailler la terre en surface. Donc ça nous permet d'amender pas mal en petite partie autonome sur l'amendement, mais les légumes, c'est assez exportateur. Donc on a aussi des collègues qui sont éleveurs bovins, chez qui on prend du fumier, et des collègues qui ont aussi du fumier de poule pour qu'on complémente pour la quantité d'azote, de nutriments qu'ont besoin des plantes. Est-ce qu'il n'y a pas d'animaux sur la ferme ? Non, on n'a pas d'animaux sur la ferme, on n'est carrément pas autonome en fertilisation pour le coup. Après, on a expérimenté cette année, il y a 3 ans, on a commencé des jardins de luzerne. Vous verrez, il y a 3 luzernes. Enfin, il y en a une qui est broyée, mais l'idée, c'est vraiment de la cultiver, la légumineuse, directement. Il y aura un jardin qui aura, comme il faut que la luzerne se développe et qu'il faut 3 ans de luzerne avant de la faucher et de la détruire, on l'a. Est-ce qu'il y a Nicolas Fortin qui est là pour la visite, là ? Non ? Il n'est pas là ? Ok. Désolé. Voilà. La luzerne. 3 ans de luzerne. Vous verrez, là, elle est en fleur au bout. Et ce qui permet... c'est que cette année qu'on va commencer à la détruire pour cueillir les légumes-fruits l'année prochaine avec une fertilité du sol accentuée. Après, on sait que la luzerne, ça sera dur de s'en débarrasser, mais on a bon espoir quand même. Je parle un peu plus. Ah oui, comme ça. Mais ils m'ont dit que ça allait. C'est mieux comme ça. Ben, j'ai plus rien à dire en plus. On récolte tous les vendredis pour la MAP. Les 110 familles, du coup, je vous ai dit le nombre de paniers et de demi-paniers, viennent ici chercher des paniers de légumes, mais ils ont aussi accès à un groupement d'achat parce qu'il y a... une trentaine, quarantaine de produits locaux qui est disponible grâce à des amapiens bénévoles qui font le lien avec les producteurs pour que les amapiens ont accès à tout un... Ils peuvent venir avec un caddie entier, ils s'abonnent pour un poulet tous les mois, des champignons, de la farine, tous les produits qui sont comme de la vente directe, il n'y a pas d'intermédiaire. Et du coup, ça permet de centraliser pour eux les achats de produits fermiers et bio du coin. C'est tout pour moi. Je passe la main à mon collègue. Tu sais comment il marche? Vous entendez? Ouais. Si ça vous va, on va prendre un... Moi, c'est Jean-Cyril, donc associé avec Matt, Lulu, Étienne, et puis travailleur avec Adèle, Bruno et compagnie, Max, Alice, sur la ferme. Si ça vous va, on peut se lever et aller à la prochaine zone d'ombre. Ouais. Comme ça, on va poursuivre sur la partie céréales. Et ensuite, est-ce que du coup, tu penses à un moment donné, juste avec nous, c'est complètement... Ya ya ya ya. Chanter une chanson? Je vais pas, désolé. Non, dommage. Ça va les sandwichs? Ça marche les sandwichs là? C'est à quoi? Sandwich, tomate, aubergine et protéines de soja. C'est pour quand ça? Pour demain midi. Ok. Ouhouhou. Ça va, vous arrivez à suivre? Ça va, ça ce va. Ce que dit ouais. Quand on est paysan, c'est un petit peu plus facile. Mais oui, mais oui. Mais... On a besoin de demander ce que c'est que la luzerne, par exemple. Ouais, bah on imagine que c'est une plante. Hein. C'est pas ça le... Ah non, c'est pas ça le problème, hein. C'est pas ça qui soulève comme problème. Hein. Non, je... non, mais quand même, l'histoire de... Vous dites ? L'histoire de la... enfin, de la mutualisation, oui, enfin, de la... du fait de ne pas vendre des produits, mais de vendre une récolte, enfin, de... le fruit d'un travail, en fait. C'est vachement intéressant, ça. Désolé pour la visite au mégaphone, pas hyper participative, mais... Pas, attendez, alors. Pardon, c'est juste pour lui. Non, pardon. Ça va. Franchement, ça va. Jours, bah, on savait que vous seriez nombreux, mais c'était dur à imaginer quand même. Mais ça fait plaisir. Ça va être la folie pour le bal. Ouais. Alors du coup, Matt vous a présenté la COP, Lulu vous a parlé du maraîchage. Donc on produit aussi des céréales. Le premier objectif, c'est de produire des céréales pour faire du pain. C'est avant tout ça l'objectif de la culture des céréales sur une soixantaine d'hectares. La ferme en faisait 20 jusqu'en 2020 et puis on a acquis 45 hectares de plus en 2020 en location avec Terre de Liens. Donc du coup maintenant on est autonome en céréales, on cultive du blé, du petit épeautre, du seigle. On a du sarrasin en face, vous l'avez peut-être vu en passant en vélo, là, du sarrasin qui a bien profité des quelques pluies des dernières semaines. On produit aussi de l'avoine Vesfévrole pour produire des graines d'engrais vert pour nos collègues maraîchers. Et on a pas mal de prairies multi-espèces et de la luzerne et du trèfle qu'on vend sur pied à des collègues éleveurs puisqu'on n'a pas encore d'élevage sur la ferme. Donc d'un point de vue céréales, du coup, on pourra bouger, mais le bar risque de faire pas mal de bruit. Mais du coup, là, vous êtes devant le fournil, et Adèle vous décrira un peu la partie boulange et fournil tout à l'heure. Et juste derrière moi, vous avez le stockage de céréales. C'est un stockage qui est un peu flambant neuf, donc on se la pète un peu avec nos cellules toutes neuves, nos vis toutes peintes. C'est tout joli, c'est tout propre, c'est pas encore tout à fait fini. On a bénéficié d'une sub, mais on a aussi bénéficié d'un gros financement participatif de la part de notre réseau, des amapiennes, des amapiens, des consommatrices, des copains, de la famille, de tous ceux qui ont bien voulu nous prêter ou alors des fois nous donner de l'argent pour pouvoir financer ça. C'était un gros projet, c'était beaucoup d'argent, mais ça nous permet du coup de stocker, de trier notre grain à la maison, de le passer à la brosse à blé, de le nettoyer, de le trier, de le passer au moulin nous-mêmes et du coup de vraiment maîtriser toute la chaîne depuis le champ jusqu'au fournil, jusqu'au pain, quoi. Voilà. Mais ça, encore une fois, c'est un truc qu'on peut faire parce qu'on est nombreux. Il y a sûrement des paysans boulangers dans la foule, j'imagine, vu le nombre que vous êtes. Et paysan boulanger tout seul, c'est pas du tout le même métier que ce que moi je fais ici. Nous, on est en groupe, on est nombreux, on se remplace, on prend des vacances, on peut faire du pain toute l'année sans se dire qu'on n'a pas le droit de partir en congé, on a le droit d'être malade, on a le droit d'avoir des coups de mou, enfin, c'est complètement différent, quoi. Du coup, on écrase à peu près 30 tonnes de céréales par an, parce qu'on produit à peu près 420 kilos de pain par semaine. On vend aussi de la farine à quelques boulangers et un peu au détail. On essaye au maximum de relocaliser nos ventes, parce qu'aujourd'hui, on vend quand même une partie de notre pain jusqu'à Tours dans des magasins bio. On aimerait pouvoir le vendre beaucoup plus localement. On a la chance d'avoir une AMAP qui a été décrite par Lulu, qui est hyper vivante et qui nous prend 75 kilos de pain par semaine à peu près, je pense, voire un peu plus. On a des dépôts de pain dans les villages environnants. On a un peu de vente à la ferme, mais très faible. Mais globalement, on peut dire que 95% de notre production de pain, elle est sur commande. Donc on a cette chance-là. Pour revenir sur les céréales, on est sur des céréales principalement d'hiver, non irriguées. On a un faible apport de compost. On est sur diverses céréales d'hiver. Ouais. Blé d'hiver, on a un peu de blé de printemps, mais en gros, blé d'hiver, seigle d'hiver, petite épaule d'hiver, un tout petit peu de petite épaule de printemps. Et en culture de printemps, on n'a que le sarrasin et le tournesol qu'on a raté, puisque les limaces s'en sont occupées. Mais on avait semé de la luzerne avec, donc tout va bien. Il y a de la luzerne. Du coup, effectivement, on est sur une rotation avec pas mal de légumineuses. On donne priorité à produire nos céréales et après, on revient en prairie ou en légumineuse quand on en a besoin, quand ça fait du sens pour le sol en termes de fertilisation, puisqu'on a très peu d'apport de matière organique. Comme l'a dit Lulu, on n'a pas d'élevage sur place. Donc, on fait des échanges de foin et paille contre de la fumure, contre du compost. Mais c'est avant tout pour apporter un peu de matière organique, mais ça n'a pas un effet fertilisant massif, quoi. Voilà. On travaille au maximum avec des semences fermières, paysannes quand on le peut, mais on a aussi des blés modernes. On est en lien avec des groupes de semences paysannes au niveau départemental et régional, qui sont membres du réseau semences paysannes au niveau national. Donc on essaye de varier un peu les plaisirs en termes de variété, notamment sur le seigle, mais aussi sur le petit épeautre. On a trois variétés de petites épeautres différentes là, cette année récoltées. Et sur le blé, on a un mélange de deux blés paysans d'un côté, un mélange de cinq blés modernes d'un autre côté, et on avait fait des bandes de multiplication sur une dizaine de blés paysans pour essayer de ramener un peu plus de nutritionnel, de goût, côté culture et côté blé pour le pain, quoi. La meunerie, donc vous voyez la meunerie elle est derrière, ça sera en accès libre, en visite libre, parce que je pense qu'on peut mettre 10 personnes dedans et c'est déjà plein. Mais du coup on travaille sur un moulin à strier à meule de pierre qui a été commandé en Bretagne, qu'on a depuis 2 ans, qui fait un super travail. Donc c'est une mouture lente sur meule de pierre, ça permet d'écraser le grain doucement, de le dérouler, du coup de garder un maximum d'éléments nutritionnels dans la farine, puisque le germe de blé, l'assise protéique sont intégrés dans la farine, ce qui fait que c'est une farine T80, mais qui est une farine qui est plus riche en éléments minéraux, en oligo-éléments, que le serait une farine T80 de l'industrie meunière, quoi. Et ça nous permet, on travaille sur farine les plus fraîches possibles. Donc concrètement, ce matin, quand j'ai commencé à 4 du mat le pain, je suis allé chercher la farine qui avait été faite dans la nuit, quoi. Donc on est sur des farines vivantes, pas très agréables selon la boulangerie traditionnelle. Mais nous, on aime bien travailler sur des farines qui peuvent nous faire des surprises. Ça nous garde, on garde notre dynamisme au fournil. Voilà. Sur la meunerie et sur les grandes cultures, je crois que c'est à peu près ce que j'ai à vous dire. Je peux prendre une ou deux questions s'il y en a qui démangent. Et après, je vous passerai... Je passerai le mégaphone à Adèle. Vas-y, Robin. Tu parles de tes différents mélanges de blé. Du coup, vous faites un assemblage au niveau de la mouture ? On fait un assemblage avant mouture, effectivement, parce qu'en fait, nous, Adèle vous le décrira sur le pain, mais effectivement, on assemble au niveau du stockage. On a une mélangeuse. Et du coup, on sort un lot de blé moderne, un lot de blé paysan, du seigle, on mélange tout ça, et ça part ensuite à la brosse à blé et au moulin. Quelqu'un derrière ? Vous écrasez 100 tonnes de blé, c'est que... 30 tonnes de blé, 30 tonnes de céréales. Il n'y a que vos céréales ou il y a d'autres paysans de coin qui peuvent on fait pas de travail à façon en meunerie. On fait avant tout la farine de nos céréales, en grande majorité pour notre pain et en petite quantité pour des collègues boulangers qui nous achètent de la farine. Mais on ne fait pas de meunerie à façon, quoi. Ah. Juste nous dire l'intérêt des céréales d'hiver en termes de gestion d'eau. Ben, c'est assez net cette année, le blé de printemps, on ne l'a pas récolté, en fait, hein, tout simplement. L'année dernière, le blé de printemps, on l'avait raté aussi. L'année dernière, le sarrasin et le millet, on avait galéré. Oui, j'ai oublié de préciser qu'on a aussi du millet et du sorgho qui sont cultivés, beaucoup plus bas de la ferme. Donc, mais en petite quantité. En gros, l'intérêt des céréales d'hiver pour nous, c'est que on sait qu'à terme, avec les dérèglements climatiques en cours, avec les niveaux de précipitation qu'on peut attendre dans les années à venir, les céréales de printemps, on pourra tirer un trait dessus. C'est beaucoup trop aléatoire, quoi. Et on le voit, hein, nous, quand on les tente un petit peu à la marge, parce qu'il y a des fois où quand tu rates toutes tes céréales d'hiver, tu serais content de faire du rattrapage avec des céréales de printemps, mais c'est clair que les céréales d'hiver, elles ont 3, 4, 5 mois d'avance sur les céréales de printemps. Donc ça permet d'avoir un enracinement et de profiter de l'eau de l'hiver au moment où il y a de l'eau, quoi. C'est des plantes qui sont en fait conditionnées pour vivre avec les climats qu'on vit, quoi. Donc ça nous convient très bien. Bah en fait, nous, la seule contrainte sur les céréales de printemps, en vrai, on n'a pas besoin de céréales de printemps pour notre pain, à part le sarrasin qu'on cultive et qui s'est bien passé cette année. Mais on est très content avec nos céréales d'hiver, mais ça pose un enjeu agronomique. C'est-à-dire que si tu fais que des céréales d'hiver, tu sursélectionnes les céréales d'hiver et leur cycle, et du coup, toutes leurs plantes compagnes, mauvaises herbes ou adventices, selon quoi. Et donc, comme j'expliquais en introduction, là, j'ai tellement mal à la tête que j'en peux plus, que je vais m'allonger, quoi. Bon, c'est dommage, hein, j'expliquais que, du coup, j'ai pas pu enregistrer les deux conférences débat. Ça m'intéresse, c'est en plus, quoi. Hein. J'ai trouvé l'idée de donner la parole à la personne qui parlait de la sécurité sociale de l'alimentation. Je me suis dit, ben, comme j'étais pas bien ce soir-là pour assister, ben, j'ai essayé de le choper pour pouvoir faire un tête-à-tête, quoi, qu'il explique gentiment, calmement tout ça. Et ça a marché, en fait. Donc, plus tard, dans les micros ouverts qui suivent, là, on a vraiment un tête-à-tête au bord de Loire à vraiment prendre le temps d'expliquer c'est quoi cette sécurité sociale de l'alimentation. Niveau, on y va, on prend la montée. Merci la fanfare! Merci pour la guerre! Merci la femme de Pélestre! Yeah. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Super. Une bonne journée, une bonne soirée. Ça démarre bien ou quoi? Ah oui, vous avez passé une soirée ici. Ah, c'était génial la soirée. On voulait aller se coucher, mais on n'a pas eu le temps. Voilà. Non, c'était génial. Ça râle. Envie de dire un petit quelque chose? Il n'y a pas de caméra, hein? Il n'y a pas de caméra, hein? Ok? Envie de dire quelque chose? Non, ça ira. Non, ça ira. Non, mais vous ressentez bien quelque chose, là, non? Non, mais par exemple, ma maman, peut-être, oui. C'est impressionnant, tout ce vidéo. Et c'est émouvant, même, je dirais. Ouais. Vraiment. Oh. Envie de dire quelque chose sur tout ça? Faut continuer comme ça. Ça sert à quelque chose. Il faut changer les choses un peu. À fond. Vous croyez que c'est comme ça qu'on les change? On fait une petite percée. Voilà. C'est un début. Si on laisse faire, sinon on se fait manger, puis c'est tout. C'est clair. On fait que ça. Faut faire. Faut essayer. Bien vrai. Ouais. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe. Vois-tu comme il penche déjà. Envie de dire un petit truc? Pas d'émotion? Il est à mes côtés. Bien sûr qu'il tombe. Thank you. Envie de dire quelque chose? Non, je suis baba d'admiration pour l'organisation. À chaque fois, c'est vraiment super. Franchement, ça nous fait bien oublier ce Sainte-Soline et tout ce qu'on voit là à côté. À côté, c'est toutes les... Il y avait je sais pas combien de voitures de flics. Que du bonheur, voilà. Envie de dire quelque chose? Hein? Rien? Allez! Vous avez rien à dire devant tout ça? Ouais, c'est émouvant le départ avec la musique, c'est génial. Il y a un paquet de cyclistes, hein? Ouais, il y en a beaucoup. Les gens ont l'air touchés d'entendre de la musique et il y a beaucoup de participants, à la fois des cyclistes, des citadins qui sont là et des paysans qui sont là sur leur tracteur. Il y a un beau mélangeur. Sur ce départ là, à Tours. C'est émouvant. Envie de dire quelque chose sur ce qui se passe là. Et ça, un média gentil, hein. Il n'y a pas de caméra non plus. Moi non. Ça vous touche pas tout ce qui se passe là? Ah bah on le partage avec la voix parce que sinon. C'est facile de partager et d'autres non. Ah ouais. C'est tout. Ouais, ok. Chacun pour soi. Vous dites? Non, c'est pas chacun pour soi, c'est chacun avec sa façon de réagir. Ok. Vous n'avez pas les mots. Un micro. Non, je les ai, mais je les. En règle générale, vous n'avez pas les mots, et c'est ben, ça? J'avais pas les mots devant un micro et j'ai le droit de pas avoir les mots devant un micro. Mais tout à fait. Mais c'est plus simple si vous le dites, quoi, que d'être là. Non, mais je l'ai dit dès le début. Je ne suis pas à l'aise de parler dans le micro, c'est encore mieux, je crois. Ça aurait été plus clair. Bah, les autres, pas de classe. Ouais, mais c'est pas grave. Je suis intelligente et j'ai compris. Je l'ai déjà vu, hein. Envie de dire un truc dans le micro? Je suis un média gentil, hein. Oui, mais on... Pas à l'aise de parler? Non, désolé. Dommage, ça. C'est le partage, hein. Non, merci. Je suis pas réveillé. Envie de dire un truc? Comment? Envie de dire un truc dans le micro? Du départ à Tours? Bah, c'est plein de beauté, de poésie. On est en pleine campagne. Il doit être 10h du matin, ça chante, il y a de l'émotion dans les yeux. Il est même pas 10h, il est 9h10. Les gens sont levés depuis 6h du matin. Bah oui. Du coup, bah non, c'est génial. C'est super, c'est beau. Ça fait plaisir, fait chaud au cœur. Direction Tours, alors. Allez, Mais tout le monde a des choses à dire. Oui, il y a des gens qui sont plus à l'aise que d'autres. Oui, voilà, voilà. Il y en a qui sont plus à l'aise voilà, et d'autres. Ça. Mais oui, tout le monde a quelque chose d'intéressant à dire. Ouais. Elle fait semblant, alors. Elle fait semblant. Ça y est, on est déjà enregistré. Elle fait semblant, c'est ça. Bon, on va bosser. Ah, ben attends, on va prendre... Bravo pour hier soir, hein.